Nous, alors Cathy Harel, on écoutait tout de suite, pour se mettre dans le bain, un morceau, ta voix, donc chanteuse. Oui, chanteuse depuis toute petite. Depuis toute petite, alors t'as, justement, oui. Depuis toute petite, c'est venu comment? Comme les jeunes filles devant la glace à la maison, c'était un plaisir, comment c'est venu l'envie? C'est venu le bâtiment, hein, quand j'avais 2 ans, on me mettait sur la table et puis je chantais déjà des chansons d'Aznavour, de Gilbert Bécaud. Sans savoir bien les paroles, mais bon, des la-la-la, quoi. Et puis après, à 10 ans, les premiers concours de chant. Et entre 13 et 15 ans, vous avez eu le bonheur de participer au Petit Conservatoire de Mireille. Oui, tout à fait. Quels souvenirs gardez-vous de ça? Parce que c'est délicieux, en tout cas, pour le public. Ah oui. Et vous, d'avoir participé à cela. Oui, elle était vraiment formidable dans le sens où elle nous apprenait bien notre métier, c'est sûr. Elle était très sévère, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ça participait à son charme et puis à son professionnalisme aussi. Exactement. Et elle nous a appris vraiment, vraiment le métier, quoi. C'était vraiment une femme extraordinaire. Quand on est jeune, comme vous l'êtes, à 13-15 ans et qu'on est face à Mireille, ça doit être très, très impressionnant. Oui. Est-ce que ça n'était pas déstabilisant, du coup? Déstabilisant, non, parce que j'avais la rage déjà de vouloir réussir. Donc j'allais dans tous les castings de maisons de 10, etc. Et donc j'ai vu que j'étais prise au petit conservatoire parce qu'on passait une audition avant de rentrer. Évidemment, elle me disait si elle nous prenait ou pas, hein, c'était sûr. Et tous les jeudis, puisque c'était à cette époque-là, c'était le jeudi, vous savez. Et c'était le mercredi d'aujourd'hui pour les enfants, le journée sans école. Où, voilà, pour les enfants où on n'allait pas à l'école. Et donc, on faisait l'émission en direct. Si on avait bien travaillé dans la semaine, elle nous faisait passer à la télévision. Vous voyez, c'était le challenge un peu. Là, on n'était pas dans le mode le public, taper un, taper deux pour régénérer. Non, c'était elle qui décidait, on revenait la semaine d'après. Vous êtes restée combien de semaines au petit conservatoire comme ça? Je suis restée 1 an. Ah oui, c'est énorme. Oui, oui, oui, 1 an, c'est énorme. Oui. Quel conseil, tous les conseils musicaux qu'elle a pu vous donner en particulier, on rentrerait trop dans les détails, mais en général, pour devenir artiste, quel était son conseil à Mireille? Son conseil, c'est d'être toujours vrai, de ne pas tricher, d'essayer de passer des émotions. Ça, c'était son premier souci. Et puis après, la justesse, voilà. Mais c'était surtout de passer un message au public. Ça, elle y tenait beaucoup. Bien sûr. Oui. Alors, entre autres, donc, quand tu as commencé, tu as aussi enregistré quelques albums. Et je pense que le tout début, le premier enregistrement que tu as eu, en plus, c'était quand même à côté d'un studio. Oh là là, et un chanteur mémorable de rencontrer M. Michel Berger. Oui. Oui, exactement. Michel Berger qui était chez Pathé Marconi aussi. Moi, je faisais donc mon premier disque Pathé. Et on était dans 2 studios à côté l'un de l'autre. Et à la pause, on est sortis et c'est comme ça que je l'ai connu. Et vraiment un être extraordinaire. D'ailleurs, je l'ai toujours suivi après. Hein. Je suis allée à tous ses concerts. J'allais le voir dans sa loge où il était avec France Gall, ses enfants, Pauline et Raphaël. Et vraiment, il m'a toujours donné des conseils. Bon, malheureusement, j'ai pas pu avoir de titre de lui, car évidemment, il était exclusivement pour France Gall, ce qui était normal. Mais j'aurais bien aimé qu'il m'écrive un titre. Hein. Mais il était extraordinairement gentil, franchement. Vous dites qu'il vous donnait des conseils. Qu'est-ce qu'il vous disait? Alors, il me disait de pas baisser les bras, de croire en moi, que lui, il s'y attendait pas du tout à ce succès-là et qu'il y était arrivé, et que, vous voyez, des choses comme ça. Pareil aussi, d'être vrai avec le public, de se mettre souvent à nu, de montrer ses sentiments, tout cela. C'est les grands artistes, c'est ça. C'est surtout de transmettre les messages à notre public, en fait. Oui, ça, bien sûr. Et vous avez un autre artiste, bien sûr, qui savait bien transmettre tout ça et qui lui aussi est parti beaucoup, beaucoup trop tôt. Et vous avez eu la chance de le rencontrer également, c'est Claude François. Oui, Claude François, oui, tout à fait. Il avait écouté mon premier disque chez Pathé Marconi, enfin mes bandes enregistrées. À l'époque, il n'était pas encore sorti. Et il a voulu que je fasse, il a téléphoné à mon directeur artistique pour que je fasse En rêvant à Noël. C'était un titre que lui-même avait enregistré en version homme, et du coup, vous avez eu la chance en version femme, voix féminine de... Voilà, oui. Et il est venu à la séance. On ne s'y attendait pas du tout. Il est venu à la séance à l'improviste et il a dirigé ma séance pour ce titre-là. D'accord. Et il était très très professionnel aussi. Hein. C'était extraordinaire. Il m'a rien laissé passer, une note qui allait pas et tout, il fallait recommencer. Mais bon, j'étais contente du résultat. On imagine bien. Et puis de ce moment inoubliable, j'imagine aussi. Inoubliable, je le trouvais beau du haut de mes petits 15 ans. Là, j'étais littéralement sous le charme, je vous assure. C'était vraiment un beau garçon en plus. Il avait un charisme, je ne vous dis pas. Ça devait être très très impressionnant, effectivement. Sébastien, je crois que, on est fan de Berger. Comme on est fan de Berger, il y a un morceau que tu chantes qui s'appelle Fan de Berger. Je pense que oui, c'est un bel hommage. C'est Jean Krishmar, les paroles, et Ludo Ponte pour la musique. Ils l'ont écrit sur mesure pour moi. Voilà. Parce que je voulais vraiment lui rendre hommage. Eh bien, on écoute tout de suite sur Arc-en-Ciel, Fan de Berger, avec notre chanteuse ce matin, Cathy Harel. Une génération confondue, nous que devons de si belles heures, des notes qui nous portent mieux, laissent dans nos cœurs que du bonheur. Les mots prennent tant d'importance quand ils sont liés à ton image. Nous vivons dans ta souvenance, les souvenirs n'ont jamais d'âge. Fan de Berger, porte ton nom. Fan de Berger, tu as créé tant de bourgeons dans nos cœurs depuis des années, qu'ils ont poussé sans perdition. Fan de Berger, tu nous fais tous les blancs moutons, le pâtre qui nous laisse rêver. Fan de Berger, ça, Émilie, ça te plaît? Oui, parce que je suis fan de Berger. Pour moi, c'est le, voilà, c'est le The Maestro, quoi. Voilà. Oh, ça me fait plaisir de t'entendre ça. Mais oui. Puis il est irremplaçable et voilà. C'est sans doute quelqu'un qui nous a écrit les. C'était un génie, voilà. Oui, exactement. Un génie comme on en fait peu. Un musicien, un mélodiste extraordinaire. Donc vous avez eu la chance, vous, alors je vous envie d'avoir eu la chance de le croiser, et puis je vous envie aussi d'avoir croisé le chemin de Daniel Balavoine, qui vous avait écrit un titre, mais j'ai lu que cette chanson ne sortira jamais, et pour cause, parce qu'il est disparu avant. Il avait commencé à l'écrire, parce que je l'ai connu par Alain Attah, qui était chef d'orchestre de Joe Dassin, qui était un de mes meilleurs amis, qui m'a présenté donc Daniel. Parce que pour rappel, vous êtes partie en tournée également avec Enrico Macias, Joe Dassin, Claude François. Vous faisiez leur première partie ? Non, on appelait ça vedette anglaise. C'était avant la première partie. D'accord. Il y avait vedette anglaise, vedette américaine et vedette. Très bien. Donc moi j'étais dans le tout début, enlevée de rideau si vous voulez. Parfait. Alors Daniel Balavoine, vous dites dans quelles circonstances vous l'avez rencontré? Alors donc c'est mon meilleur ami Alain Attal. Oui. Il me l'a présenté, le chef d'orchestre de Joe Dassin. Mmh. Et Daniel, il lui a demandé, voilà, j'ai écrit une musique pour Cathy, est-ce que tu veux bien écrire le texte? Et tout de suite, il a dit oui, parce que lui aussi, il était super, super adorable et humain. Il disait vraiment ce qu'il pensait, mais il était vraiment quelqu'un de très, très humain. Mmh. Et comme je débutais, ben, il a quand même dit, oui, je vais lui faire un texte. Ça s'appelait « Quand tu me prends la main ». Et malheureusement, il a commencé à écrire un couplet. On avait enregistré, d'ailleurs j'ai les bandes à la maison, qu'on avait enregistré chez Alain Attal, et avec lui qui me faisait les chœurs et tout pour cette chanson, on avait fait un petit couplet. Ah, ouais. Et puis il l'a pas terminé, puisque malheureusement, il y a eu Dakar, et voilà. C'était terrible. D'accord. Terrible. Bon. Mmh. Évidemment. Plus gay, on enchaîne avec Eric Serra qui gay, a... Moi, j'ai plombé l'ambiance. Non, mais non, mais on peut difficilement faire autrement quand on parle de ces fins tragiques, de tous ces monstres géants. Oui. Enfin, voilà. Eric Serra a dirigé quelques-unes de vos séances maquettes en studio. Ça aussi, c'est une rencontre incroyable. Eric Serra, Le Grand Bleu, Subway, Nikita. Oui. J'ai eu énormément de chance, j'ai rencontré des personnes artistiquement et humainement extraordinaires. Mmh. Et Eric, bon, il n'était pas connu à cette époque, donc il faisait des maquettes pour les personnes. Mmh. Et avec Richard Joffaut, je ne sais pas si vous connaissez Richard Joffaut, son oncle a écrit Sac de billes. Oui, bien sûr. Voyez, oui. Hein. Et lui était un grand écrivain aussi, également. Et il écrivait à ce moment-là des paroles de chansons. Et donc, Eric avait dirigé les maquettes en studio. Mais malheureusement, ces chansons ne sont jamais sorties. Mais j'ai un vivier de choses, de chansons. Mais vos tiroirs sont pleins remplis. Alors oui, justement, l'enchaînement est parfait. Votre actualité, vos projets avec des tiroirs remplis comme ça, quand bien même vous ne puissiez pas forcément tous les utiliser. Où en êtes-vous par rapport à tout ce qui se passe dans la création, composition et scène, etc.? Oui, ben j'ai fait un album il y a à peu près 3 ans maintenant, avec 15 titres originaux de chansons françaises, des grands auteurs comme Thierry Brunner, pour la musique Paul Glaser, Philippe Metzburger, c'est des auteurs très très sympas. Mmh. Et donc vous avez entendu « J'aimerais que tu m'aimes » de Thierry Brunner et Paul Glaser. Paul Glaser qui est très connu aussi. Ouais. Et Thierry Brunner, c'est lui qui avait fait, je ne me rappelle plus la chanson, excusez-moi, ça me reviendra tout à l'heure. J'ai oublié. Je vous dirai après. Donc j'ai fait cet album et maintenant je suis en train d'essayer de trouver d'autres titres pour réenregistrer un single. Très bien. Voilà. Mais je suis allée en Belgique où j'ai eu un bon accueil avec cet album. Nous avons fait au moins une trentaine de radios, des concerts, avec David Vincent comme producteur. D'accord. Qui est un grand producteur belge là-bas et qui est aussi sur le Canada, la Chine, etc., la France évidemment. Donc on a fait des concerts à Paris aussi, au théâtre Georges Brassens, au théâtre de Belleville. Voilà, est-ce qu'il y a des dates de programmer dans les mois qui viennent ou est-ce que c'est en train de se faire et on pourra suivre tout ça sur votre page Facebook et ailleurs? Oui, on pourra suivre tout ça, mais c'est en train de se faire. Pour l'instant, je suis au choix des titres. D'accord, très bien. Encore dans la cuisine interne avec tous les artistes qui vous entourent. Voilà, exactement. J'ai Christophe, mon attaché de presse, qui s'occupe bien de tout ça aussi, qui organise les rendez-vous, etc. Et qui m'a fait plaisir de venir justement sur votre radio, Arc-en-Ciel. Et je vois que vous êtes tous très sympas. Et plaisir partagé, voilà, c'est ces moments-là. Voyons, on a des artistes, y compris en studio, hein, qui sont là. On va les saluer d'ailleurs. Elsia, qui est là, c'est une chanteuse en devenir. Mais c'est un devenir qui se rapproche. Elle sera vraisemblablement en tournée dans toute l'Europe à partir du printemps prochain. Elle prépare un clip et elle fera des scènes à Orléans. À côté d'elle, Olivier Roy, chanteur, auteur, compositeur, qui sort son album la semaine prochaine. Bonjour, enchanté. Bien. Voilà. Et puis les musiciens d'Olivier Roy qui sont là tous les deux à côté de nous également. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes très bien entourés parce que ici aussi, ce qu'on aime, c'est le live. Alors ils vont nous préparer du live, voyez. Oui. Ah oui, ça c'est super. Alors, j'adore faire du live. Vous savez qu'en Belgique, j'ai fait pas mal de radio en live parce que j'avais mes bandes son avec moi. Et j'adore chanter en direct. Ça, c'est... Alors le rendez-vous est pris, vous reviendrez peut-être un jour ici en studio, ou du moins, voilà, comme on le fait aujourd'hui par téléphone. On reprend rendez-vous très bientôt, alors. Avec plaisir. Ah bah oui, sans problème, au contraire. Alors justement, moi, Cathy, un petit morceau qui te ferait plaisir de ton album, une découverte que tu n'as pas l'occasion d'avoir en radio, bah c'est le moment de se faire plaisir. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah bah, je suis gentille, mais j'aimerais bien écouter Vers la lumière de Thierry Brunner et Paul Glaser aussi, encore, parce que c'est une chanson d'espoir et de croire à un monde meilleur. Donc je pense qu'elle est vraiment d'actualité et bien, ça me ferait plaisir de l'entendre. Eh bien c'est parti, Vers la lumière, Radio Arc-en-Ciel et Cathy Harel, tout de suite. Arc-en-ciel, Vers la lumière de Cathy Harel sur le 96.2. Nous sommes en train de découvrir ton univers musical, tes chansons. Ça, c'est merveilleux, ce morceau-là. Ce qui est bien, c'est quand on écoute l'album, il y a différents morceaux et on retrouve différentes sonorités, différents goûts. Et ça, il y en a pour tout le monde. Et mille merci, Cathy, c'est merveilleux. Merci à vous. Et je voudrais dire que c'est Philippe Anika, un grand guitariste, d'ailleurs qu'on entend bien dans Vers la lumière, qui en a fait tous les arrangements et toutes les guitares. Donc je voudrais le saluer au passage, Philippe Anika. Il faut saluer les musiciens, c'est un travail d'équipe, oui, la musique aussi, donc il faut les nommer. Exactement, ça se partage. Et c'est pour ça qu'ils sont là, oui, on a des musiciens en studio qui disent merci de penser à nous. Ah oui, je pense toujours aux musiciens parce que ils font corps avec le chanteur, l'artiste, et voilà quoi. On est une famille, on dira, une grande famille. Avec le public aussi, bien entendu. On espère vous voir sur scène très prochainement. En tout cas, les dates, si on veut retrouver les dates, on vous suit sur votre page Facebook Cathy Harel Pro. Cathy avec un K, je le précise. Oui, avec un K, oui. K-A-T-H-Y. Et puis, si on veut découvrir tout ce dont on a parlé aujourd'hui, votre parcours incroyable, ces rencontres incroyables, et puis toute votre discographie, c'est aussi sur le site cathyharel.com qu'on retrouvera tout ça. Oui, et si je peux me permettre, il y a aussi cathy092.skyrock. Oui. .fr. C'est noté. On a pris note de tout merci. Ça. Merci. Eh bien, mille merci à toi, Cathy. Et puis, prochain coup, on te recevra ici en direct. Et s'il y a des nouveautés, n'hésite pas, tu m'appelles. C'est gentil. Et puis, merci à toutes les radios web d'aider les artistes comme vous le faites. Merci mille fois. Ah, bah ouais, c'est promis. Et puis, on retrouvera donc l'intervention de Cathy sur notre internet et sur la page Facebook. Si je parviens à aller très vite, il y sera là demain ou plus tard, si je travaille bien. Je vous remercie mille fois. Les fans de Facebook vont être contents et d'Instagram. Merci mille fois. Eh bien, merci. Un gros bisou à tous. Pour te dire au revoir, eh bien, donne-moi la musique de Cathy Harel sur le 96.2. Merci, Cathy. Merci, bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Dans les grandes villes où les gens n'ont plus d'idées, tout devient futile. Les enfants n'ont plus de quand on a été privé d'air. Derrière tes grands yeux, je croyais que tu avais froid. Les plus malheureux ne sont pas toujours ce qu'on croit. Je crois que la vie a brisé tout ce que tu l'as. 96.2, nous sommes toujours ensemble pour une belle émission musicale avec Émilie.